Ce vieux monde ne peut m'empêcher, n'importe quand, je m'envolerai, car je me suis déjà consacré, et j'ai porté mon habit de noces. Ce vieux monde ne peut m'empêcher, n'importe quand, ne m'envolerait, car je me suis mon âme déjà consacrée. Oui, je portais mon habit de noces. Oui, ce vieux monde ne peut m'empêcher, n'importe quand, où je m'envolerai, car je me suis déjà consacré, et je porte mon habit de noces. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te remercions pour l'évangile de grâce, l'évangile de notre salut, la parole de vérité que tu as adressée sur notre chemin pour entretenir nos âmes, pour nous conduire dans la lumière, pour nous amener à la perfection, pour manifester ton salut pour nous, manifester le pardon de Dieu, le secours de Dieu à tout instant pour chacun de ceux qui croient en toi qui espère en ta bonté. Dieu de notre Père Abraham, Dieu de William Branham, tu es le même dans tous les âges et tu es fidèle envers ta promesse. Manifeste-nous ton bras, la puissance de ta main, et que nous soyons secourus dans tous nos besoins alors que nous sommes rassemblés ici au nom de Jésus-Christ, voulant être conforme à ta volonté, conforme à chaque parole de vérité, conforme à ce que tu veux que nous soyons, que nous puissions cadrer avec ton plan. Tu as un plan merveilleux pour le salut de l'humanité, et nous te remercions de nous avoir insérés dans ton plan, de nous avoir inscrits dans ton livre, le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Tu as écrit nos noms avec le sang de l'agneau, avec le sang de Jésus-Christ qui a servi d'encre, et ton écriture est sacrée, ton écriture est sainte et éternelle, ton écriture est infaillible. Elle ne peut pas parler en vain, Seigneur. Confirme-nous notre identité, que chacun de nous se reconnaisse et que chacun de nous se retrouve lorsque les affaires du royaume sont traitées. Exauce nos prières, Seigneur. Bénis la réunion de ce soir. Chasse l'ennemi de tous côtés. Disperse-les de tous parts. Confirme-nous les promesses de ta présence. Tandis que là où nous croissons la santé à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je viendrai à vous. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien, car vous saurez que je suis dans le Père, et que le Père est à moi, et moi je suis à vous. Manifeste votre promesse, confirme l'unité de l'Église, rassemble tous nos cœurs, Seigneur, faisant un seul cœur, fais de tous nos cœurs, un seul cœur, comme c'était au commencement. Ramène-nous, Seigneur Jésus, ramène nos cœurs toi-même, car c'est toi Dieu délit qui ramène. confirmant les promesses, manifestant les prophéties, manifestant la grande puissance. Il n'y a pas assez d'ennemis pour trouver, pour t'empêcher d'agir. Seigneur, nos cœurs sont ouverts, nos cœurs s'attendent à toi. Viens communier avec nos âmes, change-les en profondeur, soyez comme commencement, rétablis comme commencement, revenez sur les mêmes pas, marchez comme les seuls d'autres voix. Et sois prière, Seigneur, sois compatissant, dans les puissants noms de Jésus-Christ, guéris les malades, tous les faibles, change les douleurs dans nos corps, change les parties de corps, change les douleurs, et donne la guérison complète. Et c'est pour ton nom que nous réclamons, c'est pour ta gloire que nous prenons en jouissant. Tous ces prénoms. Bénis la prédication de l'évangile du début jusqu'à la fin. Qu'elle apporte la solution au problème. Qu'elle soit la guérison aux maladies. Qu'elle soit la force pour les faibles. Une consolation pour les affligés. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit déversé. Qu'il vienne dans nos cœurs. Sans commencement. Que nous puissions revivre les mêmes choses que tu avais manifestées. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions et nous t'adorons. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu dans sa sainte Bible. Malachie chapitre 4. Nous prenons le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'intérêt. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Et bien, on a dit que Ephésiens chapitre 4, le verset 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Bouengai mokangami ponankolo. Nazali kolomba bino ete botambula mpela moko na ibyangeli ibyangami bino na yango. Na kosoke manyoso mpe na bopolo na motema pete boyikana mpiko kati na bolingo. Komekana mposa ete bobate na bomoko na molimo kati na ekangeli na kimia. Que Dieu bénisse la lecture de ses paroles. Veuillez vous asseoir. Au nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons à chaque âme bienvenue à la table du Seigneur. Parce que la parole qui est servie et donnée, c'est pour nos âmes. Et toutes les parties qu'il y a dans l'être humain, l'âme est la plus importante. Le corps de chair ne sert à rien. L'esprit de l'homme vient de Dieu, il retournera à Dieu. Quand le temps de Dieu sonnera pour mettre fin à cette vie de chair, mais l'âme doit représenter l'être. Même dans l'au-delà, et même longtemps après que votre corps soit mort, l'âme c'est votre nature, votre personnalité, elle reflète votre caractère. L'âme c'est vous, c'est ça le moi. Et Dieu aide chacun. Quand vous dites mon corps. Mon corps, c'est le corps de moi. Vous dites mon esprit, c'est l'esprit de moi. Mais votre âme, c'est votre moi. C'est votre moi. C'est ça vous. Et que Dieu nous aide. Apporter les meilleurs soins à cette âme pendant que nous sommes encore sur cette terre vivant sous le soleil sur la terre de vivants, que Dieu nous vienne vraiment en aide. Alors nous sommes en train de voir ce que Dieu avait prévu de faire pour notre temps dans ce grand thème de comment éprouver un ministère de la parole. Le Saint-Esprit qui est le même qui s'est mouvé sur les eaux au commencement, nous voyons comment il est en train de se mouvoir, et c'est à la manière de, d'une fusée qui explose. Vous partez d'un thème. Il sort un sous-thème. Il y a des sujets et des pensées de méditation. Il y a un moment, ça commence à pleuvoir. Mais vous vous souvenez que nous étions infusés au départ. Il y a un thème dans lequel nous sommes. Alors, c'est comme quelque chose qui explose, et à l'intérieur, il y avait encore beaucoup de missiles, et à l'intérieur, beaucoup d'obus, et à l'intérieur, ça ne fait qu'éclater. Parce que la parole de notre Dieu est une éternité. Elle est infinie. On ne peut pas l'épuiser. Quand l'inspiration se lance, vous commencez des fois timidement ici. Je pense que ça ne fera pas longtemps. Vous passez à un autre sujet que vous avez à cœur. Les choses de sa façon. Il récupère la chose et il va de missile en missile. De pièces en pièces. Et à un moment, si vous ne vous ressaisissez pas, vous risquez de vous perdre pour savoir de quoi parlons-nous. Mais ce qui est sûr, c'est toujours de la parole. Chaque jour, c'est parole sur parole. Parole du Seigneur sur parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Voyez, nous étions dans ce grand thème. Pour récapituler un peu, comment éprouver un ministère de la parole. Et une question est sortie à laquelle on ne s'attendait pas à un moment pendant qu'on est. Qui dites-vous que William Branham est? C'est en accord avec le ministère qu'il pouvait avoir. Et un devoir a été donné. Il encouragé avait levé la main pour répondre au devoir. Les autres petits mides se sont respectés. Mais ceux qui ont répondu vous ont représenté. Nous avons reçu les réponses dans les lignes. Et alors qu'on devait corriger les devoirs de manière formelle comme en classe, c'est ce que nous pensions faire. Non. L'esprit nous a conduit carrément à exploiter le ministère de William Branham. A commencer à décortiquer ça. L'appel de William Branham. N'est-ce pas vrai? Et quand cette pensée de l'appel de William Branham était finie, elle a débouché, elle s'est transformée en une autre série de pensées. C'est-à-dire que cet appel était rattaché à une tâche, à des missions. Et alors, on a exploité la première commission de William Branham. Et en parlant de la première commission de William Branham, nous avons découvert une chose à laquelle on n'avait jamais pensé. Et là, c'est le Saint-Esprit qui a posé une petite question, comme de rien du tout, lors d'une méditation à votre frère et prédicateur. Avec la date où William Branham avait reçu cette première commission. C'était petit. Quelque chose qui est passé et qui est revenu. Et là, il y a tout le qui est à prier et à rechercher. Qu'est dit William Branham lui-même au sujet de la date du 11 juin 1943. Et William Branham pour la moukolo, j'ai commencé à prier, Seigneur. Je vais commencer à prier. Je vais voir ce que dit Frère Branham lui-même. Au sujet de la date, il y a une grande date pour nous ici dans la date. Du 11 juin 1933. À la fin de ça, quelle surprise. William Branham n'en dit rien du tout. William Branham n'a pas encore l'envoi, non, côté. Rien. Et le côté. Pour répondre à la question qui était venue, bien, il n'en dit rien. De là, on est allé encore. On est pas encore. Et vous connaissez la conclusion. Ce n'est pas le 11 juin. C'est le 18 juin. Un changement qui fait histoire. Et à cause de l'humilité d'enfant de Dieu, nous avançons dans le peu que nous connaissons jusque-là. Nous n'en faisons pas de discussion et de débats. Nous sommes dans une marche. Marchons au pas. Mais gardons la vérité. Que la vérité soit éprouvée. Et qu'elle soit confirmée. Gloire et louange à Jésus-Christ. Dieu est très bon envers nous. Il agit diversement. Pour notre bien. Alors, pendant que nous continuons à exploiter cette commission, un dimanche, j'avais même pensé que c'est fini pour la première commission. Nous nous mercredi, ce n'était pas fini. Et il y a encore des ramifications. Toujours dans le cadre de la première commission. Alors, on se retrouve qu'elle cadrait également avec Malachie 4, 5 et 6. Toujours la première commission. Alors, on a vu la double mission de Malachie 4, 5 et 6. C'est dimanche là, la double mission ou les deux missions de Malachie 4, 5 et 6. Oyo malakia mukapo ya mine mulongo motoba ça nous a fait du bien, n'est-ce pas? Et ça a quitté ce bol à mes aliments. La double mission. Moussalami Bali. Ramener le cœur des pères aux enfants. Nous sommes le cœur des enfants au père. Alors je pense que ça allait être la prédication d'un dimanche et c'est fini. Quand je retourne en prière et méditation, il demande d'exploiter encore. Et décortiquer encore ça. Les deux missions séparément. Ramener le cœur des pères aux enfants. On a vu les deux venus de Jean-Baptiste. À sa première venue. Et à sa deuxième venue. Parlant du messager Élie. Il devait accomplir en deux époques différentes deux missions précises pour deux catégories de peuples de Dieu. Oh, comme Dieu est bon. Et après avoir vu comment Jean-Baptiste a ramené le cœur des pères à leurs enfants, nous sommes en train de voir maintenant comment l'esprit d'Élie à cette époque de la Odyssée ramène le cœur des enfants à leur père. Et si vous êtes attentif à la manière dont Dieu conduit les choses, vous constaterez qu'il y a deux pensées qui reviennent dans la mission de ramener le cœur des enfants à leur père. Tel que le Saint-Esprit conduit les choses, vous découvrirez que ramener le cœur des enfants à leur père, c'est d'abord ramener l'unité de l'Église de Dieu en ce temps. Rétablir l'unité de l'Église. Le cœur unique qu'il y avait là au commencement, son cœur là doit être rétabli ici. Mais aussi la deuxième pensée, c'est que ramener le cœur des enfants à leur père, c'est ramener ou rétablir la foi apostolique dans l'Église. Est-ce que vous remarquez ça? Or, la deuxième pensée ici, celle que nous avons entendue depuis le début de l'exploitation de la double mission, de Malachie 4:5-6. C'est deuxième volet de cette mission. La deuxième signification de cela. C'est ce qui est l'entendement le plus répandu. N'est-ce pas? C'est de ramener ou rétablir la foi apostolique. Nous y reviendrons. Mais vous avez remarqué, en parlant du cœur lui-même, en deux passages bibliques, vous pouvez le voir très clairement. Deux versets, nous comparons. Malachie 4, verset 6. Il ramènera le cœur singulier des pères à leurs enfants. Ça, c'est la première venue du messager Élie à l'époque où Jésus-Christ devait venir la première fois. Et c'était fait à travers Jean-Baptiste. Et cette virgule est renforcée par et une conjonction. Comme pour montrer que c'est vraiment des choses qui sont là. Ne les liez pas. Séparez-les. Le Saint-Esprit a séparé les deux missions. Il met une virgule. Et puis il ajoute une conjonction pour présenter une deuxième pensée et le cœur des enfants à leur père. Êtes-vous là? Dans la première mission, au moment de l'accomplissement, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Au moment de l'accomplissement, dans Luc chapitre 1, verset 17, l'ange a changer le singulier de cœur en pluriel. Disant que Jean-Baptiste, il marchera dans l'esprit et la puissance d'Élie. Ramener le cœur pluriel de père à leurs enfants. Ramener le cœur pluriel de père à l'exemple. Et on a vu ce père-là. Il était le père fidèle et intègre d'Israël. Et comment Dieu les a-t-il énumérés? C'est depuis la sortie d'Égypte. Les croyants des promesses qui expérimentaient l'accomplissement des promesses et qui recevaient en même temps les nouvelles promesses par le Dieu de la continuité de son œuvre qui amène son peuple des promesses accomplies en promesses accomplies. C'est le sens de l'Exode. À l'époque où Jean-Baptiste est venu, le même décor prophétique s'est dessiné en Israël. Dieu a commencé à accomplir de vieilles promesses concernant Jean-Baptiste, le messager qui était promis devant venir avant le Seigneur du ciel et de la terre avant sa venue. Et quand le Seigneur lui-même est venu, il y avait plein de promesses bibliques qui s'accomplissaient. Et lui aussi, avant de partir, a formé la promesse du Saint-Esprit qui devait venir. Et quand le Saint-Esprit est venu, il a formé la promesse du rétablissement de toutes choses. Il devait venir plus tard. Et maintenant, nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses. Quand le Saint-Esprit a parlé par Pierre, là, à l'époque de la Pentecôte, et pendant que nous recevons l'accomplissement de la parole de Dieu, et le prophète étant venu, l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 17, verset 17, et lui étant venu, le temps de l'établissement de toutes choses fait suite. Le retour de Christ en Israël. Le règne de mille ans. Donc, nous sortons d'un système organisé pour croire à la parole de l'heure. L'œuvre de Dieu en notre temps. Les promesses que Dieu accomplit maintenant. L'œuvre que Dieu fait selon sa parole. Mais nous allons faire beaucoup de promesses qui ne sont pas encore réelles. Mais que Dieu accomplit. Connectez-vous à cette continuité. Nous répétons, connectez-vous à cette continuité. Pendant ce temps, que Luc 17, 37 s'accomplit, là où sera le corps, là où s'assembleront les aigles. Assemblez-vous avec les aigles. Assemblez-vous avec les aigles de Dieu. C'est le message de l'heure. C'est la parole de Dieu d'actualité. La vérité présente. Voilà comment Dieu reste le même. Et sa manière de faire est échangée. Alors, seulement dans notre temps. Il s'agit de ramener le cœur des pères à leurs enfants. Mais il s'agit de ramener le cœur des enfants à leurs pères. Un seul cœur. Nous disions ça. Le deuxième volet de la mission. Il ramènera le cœur des enfants à leurs pères. Le cœur des enfants à leurs pères. Nous avons déjà vu que les pères dont il est question ici, dans cette deuxième partie, ce ne sont pas les pères d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Ce ne sont pas les patriarches d'Israël comme David, l'un des pères d'Israël. Le père dont il est question dans la deuxième partie, ce sont les pères de la Pentecôte. Les pères apostoliques. Les apôtres du commencement, au sujet desquels l'Écriture dit dans Ephésiens 2, verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ce sont ces pères-là qui ont posé le fondement de la foi, des œuvres et de la pratique chrétienne. Leurs enfants venus plus tard, leur cœur doit revenir à vous. Quand ils étaient là, nous pouvons comparer maintenant le cœur singulier des enfants pluriels. Ok. Alors, dans Actes chapitre 4, on peut comparer comment était le cœur de ceux du commencement, des apôtres de l'époque de la Pentecôte. Actes 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et Bela n'a pas dit, mais ça qui obéit, moi c'est maman qu'on paie, moi la maman. La multitude de ceux qui avaient cru. Et Bela n'a pas dit, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Bazalaki, moi c'est maman qu'on paie, Béni soit le Seigneur notre Dieu. Amen. Écoutez ce que dit Frère Branham en commentaire de cette réalité qu'il y avait dans l'église du Dieu vivant. Je crois dans les sermons, je restaurerai. C'est le 9 mars 1957. Le paragraphe 19. Je restaurerai. Du 9 mars 1957. Le paragraphe 19. Eh bien, le grand insecte suivant qui était apparu, c'était la sauterelle. Il y a eu la razam, et puis la sauterelle. Le asile, la sauterelle. Et c'était lui qui avait détruit l'unité entre croyants. Souvenez-vous du serment de mercredi à 48 heures. Vers la fin, on a montré qu'il y avait l'unité, mais pendant que les apôtres étaient même encore là, plus les années avançaient, plus les divisions ont commencé à se déclarer dans l'église. L'unité était mise à rude épreuve. Mais c'était l'œuvre de quoi? D'un insecte ici qui est venu. La sauterelle. Dont Joël 1 avait parlé. Oui, la quand le ciel le gelait, la sauterelle là devant. La sauterelle. Et c'était lui qui avait détruit l'unité entre croyants. L'unité, Dieu l'avait établie. Il y a eu une arme destructrice qui est venue. Un insecte destructeur. Il n'a visé que l'unité pour ronger ça et détruire l'unité. Dans la Bible, la Bible, à la Pentecôte, il y avait l'unité. Et ces gens étaient d'un seul cœur et d'un commun accord. Vous vous rappelez mercredi? Un seul cœur est venu après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais le commun accord a précédé la Pentecôte. Avant même qu'il ait reçu le Saint-Esprit, ils étaient tous d'un commun accord. Mais quand le Saint-Esprit a été déversé en eux, cela a produit l'unité de l'Église. Ça fait que de plusieurs cœurs qu'il y avait là, ils les avaient cimentés pour n'en faire qu'un seul cœur. Et de plusieurs âmes qui se rassemblaient là, le Saint-Esprit les avait tellement liés pour n'en faire qu'une seule âme. Une même âme. Et si nous aujourd'hui, comme je le disais hier à la conférence, nous aujourd'hui nous demandons cela à Dieu, ça ne doit pas être une chose impossible. Car Dieu l'a déjà fait. Et la Bible rend clairement ce message. Nous avons le droit en tant que croyant du rétablissement de Dieu. Nous avons le droit de réclamer l'unité d'un seul cœur. Et d'une même âme. Ayez foi que Dieu peut la donner. Et Dieu va la rétablir. S'il ne le fait pas, alors Malachie 4 est un échec. La promesse dont nous parlons aura alors échoué. Imaginez les conséquences d'une telle considération. La parole de promesse peut-elle faillir? Il y avait cette unité. Et à la fin ici, il y aura cette unité-là. C'est infaillible. Même si vous hésitez à ce sujet, mais Dieu le fera. Même si vous ne lui demandez pas. Mais comme il a promis ma résistance, verset 6, deuxième partie, il ramènera son cœur là dans l'église. Dieu est responsable de ses promesses. Dans l'église, au commencement, à la Pentecôte, il y avait quoi? Entre croyants. À la Pentecôte, il y avait l'unité. Et ces gens étaient d'un seul cœur. Et d'un commun accord. Et Paul a dit, je pense, dans Romains, chapitre 7. C'est le chapitre 8. Hein, que rien ne peut nous séparer de l'amour. C'est Romains, chapitre 8 de Romains. De l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et il n'y avait rien. Je n'ai jamais dit ceci auparavant chez les pentecôtistes, mais voyant la très grande pression qui a été exercée sur moi, c'est pourquoi je suis arrivé à faire cela ce matin. Elle est l'église la plus puissante sur la surface de la terre. Et elle est l'église. Et il n'y a qu'une seule église. Beaucoup parmi elles portent encore l'étiquette baptiste presbytérienne. Mais il n'y a qu'une seule église. Et c'est l'église la plus puissante qui est sur la terre. Et pour manifester cette puissance, il a besoin de démontrer son unité. Dans Ephésiens au chapitre 4, nous avons lu ceci. Mais je commence par lire le verset 4 que nous n'avons pas lu en introduction du sermon. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Zoto ezali moko mpe molimo moko pela moko bobyangami na elike moko na ebyangeli na bino. Le corps qui est le corps mystique de Christ. Zoto ezali kamo na Christ. Le corps qui est l'église de Dieu. Zoto ezali ekeleja na Christ. Il n'y en a qu'un seul. Ezali kobele moko. Il n'y en a qu'un seul. Ezali kobele moko. Et il y a également un seul esprit. Pe molimo qui constitue ce corps-là. Qui fait qu'en entrant dans les gens deviennent membres de ce corps. Vous voyez déjà le secret de l'unité d'église. On l'a dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ. Romains 8 dit ça. Romains 5 il dit, le Saint-Esprit, hein, il répand l'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cet amour inséparable là. Indissociable. Cet amour nous est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et quand Dieu le donne, il fait que d'une multitude de cœurs, il n'a pas un seul cœur. Quand Dieu le donne. Écoutez mes amis. Romains 5, ici lisons. Un seul esprit déversé dans plusieurs cœurs. Romains 5, verset 5. Or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, pluriel, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Saint-Esprit unique, c'est singulier, le Saint-Esprit, il est un seul, mais le cœur qu'il reçoit sont plusieurs. Mais quand il le reçoit, qu'est-ce que Dieu Enfin, il en fait tous un seul cœur. C'est-à-dire le cœur rempli du Saint-Esprit. Le cœur du corps de Christ. L'âme du corps de Christ. Dieu en fait un seul cœur, une seule âme, ayant la nature de l'esprit qui est entrée dans chaque cœur là. La nature qui est entrée de l'esprit qui est entrée dans chaque cœur, c'est la nature du Saint-Esprit. Et la nature du Saint-Esprit, c'est l'âme de Dieu. Qui est dans son cœur, dans son cœur. Et celui qui nous a fermé avec vous en Christ. Et qui nous a oint, c'est Dieu. Amen. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Amen. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Les arts de l'esprit. Les prémices de l'esprit. La première portion de l'esprit. L'avant-goût de ce qu'il fera totalement. Et quand Dieu l'a fait la Pentecôte, plusieurs qui étaient là, Dieu n'en a formé qu'un seul cœur. Et si Élie doit revenir au temps de la fin, pour ramener le cœur des enfants, c'est un rétablissement au commencement. Ce que Dieu a fait les enfants. Vous comprenez par là que pour que l'unité se réalise, le même Saint-Esprit qui était descendu à la Pentecôte doit se manifester de nouveau dans l'église au temps de la fin. Le Saint-Esprit que le groupe de Pierre avait reçu. Quelles sont les temps à réussir chez le prophète? Que les officiers ont reçu après le positionnement de Pierre. Que les Samaritains ont reçu après le positionnement de Pierre. Le Saint-Esprit qui est l'unique Esprit de Dieu. C'était dans l'église toujours. Dieu qui opérait des résurrections. Il va laisser aussi que d'autres saints aillent dans la terre et qu'on n'en fasse rien. Pour consoler l'église et dire, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. Na bongo nzambe oyo banda kosalete batiba sekwa okakita kotika bamususu te bakundama pona ko bondi sekeleza na kolobete bozanga ntina te boyo bapona ba oyo bakufakete nini kosaleme na bango na sibi. Car si nous croyons que Jésus-Christ était mort et que Dieu l'a ramené à la vie, croyons aussi que Dieu ramènera et par Jésus ceux qui sont décédés. Voilà ce que nous vous disons d'après la parole du Seigneur. Ce que nous le disons, c'est pour l'avènement du Seigneur. Nous nous passerons pas. Mais le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, et au son de la trompette de Dieu, il s'engraissait, et les morts en Christ ressusciteront d'abord, ressusciteront premièrement la parole du Seigneur. Que nos âmes disent amen. Une promesse qui est sur le point de se réaliser. Annonce que une vieille promesse. Et Dieu la confirme. Manifeste. Ceux qui sont décédés dans l'église résisteront dans les morts. Dans les morts, les autres morts resteront là-bas. Les morts en Christ reviendront. Dans peu de temps, de l'histoire. Qui dit amen? Nous aimons la vérité de Dieu. Dans Exodus chapitre 4, vous le savez. De versets 13 à 16. Il l'a dit clairement. Et puis après la résurrection de ses morts, le verset 17 nous dit, et puis nous les vivants, nous serons tous changés. Et nous serons avec eux à la rencontre des Seigneurs. Et nous allons vous dire, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Allez-vous le faire? Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Quand il y a un chrétien qui part, ne vous affligez pas autre maison. Il est mort dans la foi. Laissez son âme se reposer en paix. Allez réciter son nom tout le même. Pour aller troubler les repos comme vous avez essayé de troubler les repos de Samuel l'autre fois. Ne résistez pas, il est là. Laissez les tranquilles se reposer. Combattez les bons combats de la foi. Parlez de ce qui vous concerne, vous. Parce que Dieu vous a laissé en vie, vous. Et c'est fini. Allez, travaillez pour Dieu. C'est amen. Ne tourmentez pas ceux qui sont battus. Non, laissez-les tranquilles. Non. Occupez-vous de vos affaires avec Dieu. Êtes-vous là? Occupez-vous de vos affaires avec Dieu. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles que nous donnons ici. Ne vous affligez pas, mais consolez-vous. Dites, le Seigneur agira. Le Seigneur ressuscitera les morts. Le Seigneur fera encore. Il a pris tous ses cœurs multiples et il en a fait un seul cœur. Maintenant, Dieu a envoyé un prédicateur qui a eu à demander quelque chose de ce genre-là à l'église. Si l'église aussi pouvait comprendre et exécuter cela. Dans les sermons, les expériences, première partie. Prêché le 7 décembre 1957. Le paragraphe 5. Et puis, je vais encore lire le paragraphe 32. Paragraphe 5. Déjà 1947 là-bas. Et ce que je désire voir à Phoenix. Je veux simplement prier que Dieu le fasse. Je veux prier que Dieu le fasse. En effet, j'aimerais voir toutes les églises de Phoenix. C'est aussi le cas pour toutes les églises de Kinshasa. Toutes les églises de Kigali. De Johannesburg. De Durban. Hein? De Pretoria. Pretoria. D'Ottawa. Il y a Ottawa. D'Edmonton. Il y a Edmonton. Hein? Là-bas au Canada. Canada. De Washington. Washington. Toutes les églises de chaque ville. Comme c'était le cas à Jérusalem. La ville que nous avons citée mercredi. Voyez. J'aimerais voir toutes les églises de Phoenix. Comme celle de la région du Nord-Ouest. Tous étaient d'un seul cœur. Et d'un commun accord. Et à un seul endroit. Ça, c'est le prophète Branham. Et il prie Dieu pour qu'il le fasse. convaincu que le Dieu des apôtres est vivant jusqu'à présent. Ces réalisations dans les domaines spirituels ne sont pas impossibles à envisager. Il peut refaire ce qu'il avait fait aujourd'hui. Tous étaient d'un seul cœur. Et d'un commun accord. Et à un seul endroit. Oh. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Mes amis. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu nous aidera à le faire. Et que chaque personne, je ne veux pas dire que tout le monde n'ait pas sa propre doctrine. Mais l'église, les doctrines et tout ça, c'est maintenant le domaine de la foi, l'unité de la foi. Mais l'unité de cœur. La doctrine a toujours divisé les gens. Mais Dieu veut ramener le cœur. Frère Branham dit, je préférerais avoir une mauvaise doctrine et un bon cœur plutôt que d'avoir une bonne doctrine et un cœur faux. Dans la prédication, la divinité expliquée, vous avez cette déclaration. Je préférerais avoir une mauvaise doctrine, mais dans un bon cœur, plutôt que d'avoir une très bonne doctrine, mais que j'accueille et je porte dans un mauvais cœur, dans un cœur faux. Ça ne sert à rien. Il faut que le cœur soit d'abord arrangé. Dans l'église de Dieu, pas besoin de mauvais cœur. Ce cœur méchant, rancunier, haineux, conflictuel, problématique, indifférent, méticuleux. Jetez tout ça à la poubelle. Que Dieu vous donne un cœur de chair. Car ceux qui produisent les bons fruits aux multiples, ce sont ceux qui reçoivent la parole dans des cœurs bons et honnêtes. Amen. Pour que la parole se reproduise. Et que la vie de la parole se fasse voir. Il faut au départ un cœur bon et honnête. Avec un méchant cœur, vous ne finirez nulle part en affaire. Je prends ici Luc 8, verset 11, et puis j'espère pour lire le verset 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et puis le verset 15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Oye talinde kona ezalinde liloba na Nzambe. Pona yango na mabele malamu bango bazali ba oyo basilinde koloka kali loba mpe ba bateli yango na motema kitoko na malamu mpe ba boti mbuma na etinga. Il produit des fruits avec persévérance. Bazali ko bota mbuma na etinga. Vous voyez par ici. Et tous ceux qui ont un mauvais cœur, un méchant cœur, un cœur faux, un cœur pervers, plein de rapines, conflictuels, rancuniers, astucieux, tous ces cœurs-là ne produiront rien pour l'évangile. Prêchez pour mon époux matin, midi, soir. C'est ça le membre de l'église pendant 10 ou 20 ans. Ce sont des vrais passe-à-pouf. Ils ne produiront rien du tout. Pourquoi ça ne l'a pas pété? À cause des méchancetés de leur cœur. Ce n'est pas le genre de cœur que Dieu veut utiliser. Dans la prédication, pourquoi je suis contre les religions organisées? Les gens aujourd'hui sont préoccupés par leur credo de alors que le Saint-Esprit, lui, recherche des cœurs bons et honnêtes par lesquels il peut manifester et démontrer que chaque parole de Dieu est la vérité. Les gens se confient dans les édifices. Ils veulent dire, nous prions dans la plus grande église. Mais c'est de la marque de la bête. Le signe de l'apostasie. L'idolâtrie. Nous adorons un bâtiment. Et le Saint-Esprit n'est pas préoccupé par ça. Il recherche des cœurs bons. Des cœurs bons. Je cherche le cœur bon et honnête. Amen. Par lequel lui veut démontrer. Il prouvait à la face du monde. À la face des incroyables. Et chaque parole de Dieu est la. Un cœur bon et honnête est pour la vérité. Il laissera la vérité de Dieu. La parole de Dieu. Plus que ses intérêts personnels. L'égocentrisme, l'égoïsme, le calcul financier, la manifestation d'intérêts financiers. Le cœur bon et honnête veut le royaume de Dieu. Il va s'investir dans le royaume de Dieu pour avoir part à tout l'héritage de racheter. Et Dieu veut utiliser ce genre de cœur là pour démontrer partout. Chaque parole de Dieu. Que, quelles que soient les conditions sociales, environnementales, la parole de Dieu a la vie, on peut la vivre, on peut l'expérimenter, on peut y croire, et on peut palper la manifestation. Dieu veut ce genre de cœur bon et honnête. De cœurs qui sont loyaux envers lui. Il ne faut pas mettre en concurrence les intérêts du royaume avec les intérêts privés. Ils ne seront pas tiraillés entre les choses du monde et les choses de Dieu. Dieu veut des cœurs bons et honnêtes. Mais la question, est-ce que toi qui m'attends maintenant, ton cœur à toi est bon et honnête? Est-ce que tu le dis de toi-même ou c'est Dieu qui peut le confirmer pour toi? Ton cœur à toi est bon et honnête. Envers chaque parole de Dieu. Est-il en train de vivre cette parole? De la refléter au monde qui se connaît. Qu'on ne te fasse pas comme un méchant. Comme un rancunier. Un mauvais. Un conflictuel. Un type compliqué. Maître Limabé. Méchant, méchant, il y a grâce à moi, ma bé. Ça vous amènera où? Et comme ma yo wapi? À la gêne. Et tena, lui fait le. Pour que vous produisez les fruits de l'évangile, il vous faut avoir un cœur bon et honnête. Et c'est vrai que vous allez la moitié, les fruits avec persévérance. Mouma. Selon l'évangile, il faut un cœur bon et honnête. Sans cela, ce qui est côté, sans cela, ce qui est côté, c'est la punda. Ouais, c'est pamba. ton cœur doit être bon et honnête. Devant Dieu et devant les hommes. Soyez bon et honnête. L'honnêteté. Par les mensonges. Par la ruse. Mais elle m'a dit que l'hypocrisie, la bonté, et la bonté, pas la méchanceté, non pas la haine, non pas la rancune, rendre le mal pour le mal, jusqu'à rendre le mal pour le bien qu'on vous fait. Il est que nous sommes là, nous sommes là, vous voyez, débarrassez-vous de ce genre de cœur. Que Dieu nous donne ce cœur bon. Et honnête, que le Saint-Esprit pour démontrer sa parole. Maintenant, vous voyez, quand ce cœur bon se rassemble, et que tous sont bons et honnêtes, est-ce que Dieu peut s'empêcher de les utiliser? Est-ce que l'évangile peut rater de progresser? On regarde le cœur de son frère. Passionné par la parole. Transformé par le message. Transformé par l'évangile. Bon et honnête. Qu'est-ce qui va l'empêcher d'agir? Quelle prière de ces gens ne va-t-il pas répondre? Pendant que les cœurs sont en état conforme à la parole. Amen. Que Dieu n'a rien à reprocher à ces cœurs. Il est satisfait de ce genre de cœur. Que la parole qu'il a, les a transformés à cet état-là. La parole a touché ce cœur. Parce qu'ils sont bons et honnêtes. La question n'est pas hypocrite. Ils ne sont pas posés cette question hypocrite. La parole se résige dans les temps. Un mauvais cœur. Motemamabe ekoyanola bomengote. Un cœur faux, dit la Bible, dans les proverbes, ne trouvera pas le bonheur. Mais Dieu cherche le cœur bon et honnête. Dieu les a disqualifiés. Ce sont des matatas fabriqués par toi-même. Ils ne te payeront que mal. Le cœur faux. Le cœur pervers. Tu ne trouveras pas le bonheur. Si tu veux le bonheur, change ton cœur. Répands-toi. Comme la Pentecôte. Répands-toi. Ne dis pas de quoi vais-je me répandre. Tu as une nature incrédule. Tu es fidèle. Tu es sur les trogrammes. Vous les en bas, au lieu de Dieu le dit encore. Repentez-vous. Jean va le chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, revenez à l'Éternel de tout votre être, avec pleurs, avec des larmes, avec lamentation et avec des jeûnes. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dieu veut le voir en pièces. Décomposé. Que ce caractère qui était incrusté en vous est incrusté depuis des siècles. Auquel vous avez été le plus fidèle possible. Un frère qui boit de l'alcool. Amène ta femme là où tu as fait le mal. C'est ce que le message dit. Amène-la devant la pile. Est-ce que la parole a dit qu'on doit le faire comme ça? La réparation. Et Mais réparation peut être. La parole existe la réparation. Mais ça. Et ça, n'a pas dit qui pomba. Tous nous sommes égaux devant la parole. La manière dont la parole dit de le faire, faites-le comme ça. Mais maïe, c'est quoi le kuna? Quelqu'un d'autre sert à quel moment un pasteur fait à qui m'église. Est-ce que tu as fait la lumière? Vous avez moi un appelé? Okosala qui pomba qui wapi. Motema mabe qui wapi. Que Dieu ait pitié de nous. Nous devons changer. C'est vrai que c'est pas bon, moi. Tous ceux qui ont l'esprit de prostitution. Doivent se repentir pour changer de cœur. L'esprit de prostitution. Ça existe, hein? Osez ici. Dans Osez, il est écrit quoi? Versets 3 et 4. Osez 5. Versets 3 et 4. Je connais Ephraïm. Et Israël ne m'est point caché. Toi aussi, Dieu te connaît. Tu n'es pas caché aux yeux de Dieu. Yo frère, yo sœur. On s'avoue. Son, ton aïe. Rien ne cache devant Dieu. Il n'a pas été mon cœur, mon son ensemble. Dieu te connaît, te voit. Car maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué. Et Israël s'est souillé. Quand tu le fais, Dieu voit. Mais n'aïe dit Ephraïm. Il peut y s'aller. Abomba Melingaïté. poète ça ça il fallait au salinde pité kindumba leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Au moins ça là bango ami kangeli na zela zambe ami bloqué a sali masuma wa sali kuna sali ya maintenant a réparé a tout qu'on a sauté a moni na soni na masuma qu'on comme ebele et comme il est compliqué a tout n'est pas zambe a tout est vraiment n'est sengeli misala na bango il ko pesa na bango nzela te eti bazonga epai na zambe na bango parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux zambi moli mo atumba mulimo ya kindumba ezali nde kati na bango. Mulimo ya kindumba. C'est un esprit. Ezaka mulimo. Je n'invente pas ici. Na ni hôtel ni kambo. Marie de nuit, des esprits vantemal. Femme de nuit, Marie de nuit, esprit wane za kaboyina boy. Ici c'est la Bible qui dit l'esprit de prostitution. C'est la vérité. Ezali nde salo. Bazaraka wa l'église na mulimo kindumba. Ils ont cet esprit-là. Mais allez, nous l'aimons wana. Il a tabango. Vous m'aimez vraiment, frère. Il bat dans mon sang. Mais Azan, nous l'aimons wana na katayi. A lou la ka, allez mbakati. A bête la mise sur mille fois. A traka la mise sur ses machines, machines. Razo les gars, on a les gars, c'est la boy. Yosa marié, c'est la boy souni. Esprit de prostitution. Nous l'aimons ya kinumba. Ko lou la ka na ki swegi na songa risu. L'esprit de prostitution. Maman, mais qui m'a dit? Eh! Il y a un homme qui m'a dit, ça, j'ai fait na yo. Parce que ça, bon, yo, l'autre, elle m'a dit, a crié, yo. Oh, tu es bon, la saline, bon, la saline. Nous, on va pas dire, ça, ma bébé. Vous avez dit, ma bébé. Mais, ce, na yo, elle m'a dit, qu'on t'a dit, pourquoi? L'icambonne, il y en a eu. C'est comme on a battu. Et tu vois là? L'esprit de prostitution. Maman, mon ami, qui m'a dit, j'ai cassé la bango. Et ton milieu d'eux. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'éternel. Vous devez vous répandir. Que Dieu vous débarrasse de tel esprit. Marié comme célibataire. Marié comme adulte. Avec les actes de prostitution. Regardez les films pornographiques, c'est un acte de prostitution. C'est un démon. Il a le démon. Toi tu commences à l'alimenter et le nourrir. Non, il va le coller, il s'en peut penser. Oh, n'a sali rien. N'a sali rien. Si on sali rien, tu as regardé les salités. Au talent de Bosoto. Amen. Tu t'es souillé devant Dieu. Je m'en connais pas, puis tu t'es libre sur l'ensemble. Tu dois te laver dans le sang. Je n'ai pas mis sur le net. C'est bon, tu veux là. Laisse-le te regarder pas plus. Amen. Amen. Les quatre américains de théâtre de chez nous. Oui, tu vas cacher à bat américain, massapo. On est dans vos amis, ça s'est arrêté. On est dans la tête. Kaka kotala, na kotala. Frère Branham me dit, quand j'étais encore aveugle, je regardais aux choses mauvaises. Mais quand Dieu a guéri mes yeux, là, je regardais toujours au calvaire. Amen. Même quand le diable essaie de me tenter pour me faire voir les choses sales, j'ai détourné mon regard. Amen. Pour regarder au calvaire à celui qui est mort pour mon âme. Amen. Le Coupé Nama Rebbe, c'est un gongaïe, Nazara qui a kala. Nabanda kota la pebilo comme abe. Kasi utanzambe abe kisami sunangaï. Awa yangami setala kabobele na calvario. Atako zambu la komekete. Atali sangabilo kwa pamba pamba. Nabongo la kamumisu kota la bobele. Isika nkolo nangaya kufelingaï. Amen. Ils sont malades. Amen. Que Dieu guérisse ces yeux-là. Pour que tu regardes aux choses correctes. Ah. David dans les psaumes 119. David dit, éternel, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Les choses qui sont des vanités. Il a pas d'antine. Oyo qui m'a créé la balabala, yo anou bimina le pan. Oyo n'a encore raté ça le mobodi. Parce que je ne suis pas dans la porte de Bandako. A tel et moi, on est de Bosso, à mon abapassa, à ce qu'on a mis sous, à ton ami sur le motema. Mais c'est quel est le travail? Oh, le moussa, l'ami, on est pêche. Moulin mon village. Bon, là, on est la moutre. Tant que tu as bini, tu as bien, qui a dit bini? Et la ministre a s'en adapté. Ah, tu n'as pas vision. Ah! Yo, pas pêche, monsieur! C'est ça, la pêche, ça va. C'est vraiment triste, certainement. Mawa, c'est vraiment triste, Mawa. Donc, nous, vous parlez, nous, là, nous, vous avez battu. Tout cas, quoi, si, eh, vous voyez, eh, mais est-ce que ma mission, ça, on est? Ma confoute, on n'y vous devez racheter les temps. Amen! Les jours sont mauvais. Les animaux, nous devons chercher la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu. Que Dieu guérisse tes yeux. Amen. Regarde les choses correctes, mon ami. Paul a dit dans les dans Hébreux, ayant les yeux fixés sur Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Lui qui suscite la Amen. Foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Si ta foi est faible, Amen. Elle est inexistante. Mm-hmm. Mais tu ne vas pas regarder aux choses vaines pour devenir plus fort dans la foi. Mm-hmm. Regarde plutôt à Jésus. Demande-lui de susciter la foi en toi. Amen. Si elle est de niveau faible, qu'il relève le niveau de cette foi, mm-hmm. qu'il l'amène à la perfection. Amen. Voilà ce qui doit préoccuper ton âme. Amen. Et que mes sonangas les amis de côté les laïcs ceux qui sont les amis comme moi qui se peco même à condiman angai qui non a kubungabe ceux qui condiman ya les amis ya musta auto qui t'a menacé côté la bilan campan bapan bate pas c'est comme matin condiman ayo na kokola talanda na ya ceux qui sont comme ceux condiman ayo na kubungabe développer cette relation avec ah luka boyo kanina yeswana ekola penza. Alors je vais continuer dans la situation ici de l'expérience. Nazel kokoba awa na maloba na masakoli comme vous voyez là où l'esprit nous a amené. Bomani yasika muli meme mabiso. Il s'était d'un seul cœur. Il a dit nous pouvons le faire. Mes amis. Nous pouvons le faire, n'est-ce pas? Et je crois que Dieu nous aidera à le faire. Chacun de nous ait un cœur bon et honnête. Et quand Dieu regardera chacun de ses cœurs, malgré nos différences, il ne verra qu'un seul cœur. Bon et honnête. Bon et honnête. Honnête et bon. Honnête et bon. Honnête et bon. D'un commun accord. Croyez le même évangile. Croyez les mêmes promesses. Ayez la même espérance. Dans le même Dieu vivant. Des grandes choses vont s'opérer. Je ne veux pas dire que tout le monde n'aille pas sa propre doctrine. Mais ce n'est tout à fait normal. La doctrine et la foi, la foi qui doit être ramenée. Et je veux dire que nous puissions être d'un seul cœur. Même avec des doctrines qui différencient. Mais nous pouvons être de sorte. Croyez-vous ce que dit le Coran? Pour vous, vous dites, non, pour le terrain, c'est qu'il faut, là. On va la même foi, non? Maintenant, vous qui avez la même foi, le même pasteur, le même ministère ici, avez-vous un seul cœur? Bon, Vous voyez ça? Le Saint-Esprit peut réaliser ce que tu penses difficile. Je veux dire que nous puissions être d'un seul cœur. D'une même pensée. Et d'un commun accord. C'est tout ce que nous les chrétiens. Assurément que nous les pouvons. C'est juste Satan qui s'interpose entre vous. Il s'interpose entre nous. Pour stigmatiser les divisions. Vous voyez, Bomoni. Frère Branham, ce qu'il nous dit ici, c'est le diable qui s'interpose. Pour insinuer. La Bible dit que celui qui rappelle une faute dans ses discours, cherche la division. Celui qui couvre la faute cherche l'amour. Amen. Hier, Frère Venam nous a dit, nous devons oublier le péché les uns des autres. Amen. Ajoutez chaque jour un peu plus à cette unité. Alors que nous voyons le jour approcher. Mais le retour de Christ est imminent. Nous en entendons parler. Que nos cœurs ne soient pas loin de lui. Ajoutons un peu plus à cette unité. Oubliant les péchés des uns des autres. Quand quelqu'un dévie un peu du chemin, Priez seulement pour lui. Ce qui m'a pas monné était pingouin dans le yo moussala et zébobé, c'est bon dans le nez. N'écoutez pas le diable. Oui, pas ça pour nous. C'est interposé entre frères. Oui, papa, t'as qu'à dire la les diviseurs. Oui, kabolaka. Le diable, diabolos veut dire diviser. Zabou, le lingou, pour mettre bak kabola. Diviser, diabolos. Kabola, kabola, président pour kabola. Il est divisé. Yo moussala na kabola. Il vient s'interposer pour diviser les frères. Créer des histoires. Allez, s'accrocher toi à une histoire. Commencez à insister sur ça. Et la séparation des frères. C'est le diable. Amen. Ne lui rendez aucun service. Nous devons servir Dieu avec zèle. N'est-ce pas votre avis? Et c'est ce qu'il fait. Mais je crois que l'heure est arrivée où Dieu va mettre de l'ordre. Amen. On ne laissera pas le diable faire dire n'importe quoi tout le temps. L'église est l'église du Dieu vivant. Chers amis, l'heure est assonnée. Amen. Où Dieu va mettre de l'ordre. Alors on parlera 32. Nous avons les expériences première partie. 17 décembre 1947. Il dit, j'aime Phoenix. Je vous aime. Eh bien, j'aimerais vous voir. Vous tous. D'un seul cœur. Et d'un commun accord. J'aimerais ça. J'aimerais vous voir, vous tous, dans cette ville. J'aimerais venir ici et faire de ceci ma demeure. On prend juste chaque réunion du dimanche après-midi. Chaque fois, jusqu'à la venue de Jésus. Mais je ne peux pas le faire de moi-même. Mais je vais vous donner ma vision. Maintenant, le temps où nos églises. Elles ne vont pas s'accorder les unes avec les autres. Et c'est le temps pour vous, les gens, de vous mettre d'accord les uns avec les autres. L'église elle-même. Et c'est ce que fait le don qui entre dans l'église. Il est en train de tirer des deux côtés. Il ne fait pas sortir les gens des églises. Fréquentez bien votre église. La même. Votre église est tout à fait en ordre. Bon, je n'ai rien contre cela. Mais frère, ne pense jamais être un tout petit peu meilleur que quelqu'un d'autre. Ôtez ce genre de mentalité. Pour arriver à trouver un commun accord. Ce n'est pas avec un complexe de supériorité. Vous convaincrez en vous que vous êtes supérieur, meilleur que quelqu'un. Ne pensez jamais comme ça. Amen. Ou que quelqu'un est un peu effrayé. Mon frère, pourquoi? Rappelez-vous, nous sommes tous égaux devant Dieu. C'est ce genre de mentalité qui permettra aux fidèles d'avoir un commun accord. Quand vous êtes égaux devant Dieu. Amen. Le même Dieu. C'est ton frère, c'est ta soeur. Devant Dieu, nous sommes pareils. Nous sommes égaux. Mais quand vous commencez, ah, mais nous sommes égaux devant Dieu. Amen. Nous sommes égaux devant Dieu. Amen. Ne vous croyez pas un peu meilleur. Mauvaise pensée, c'est ce que vous mettez dans la division. Il détruit l'unité. Rappelez-vous, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et nous sommes ses fils et ses filles. La Bible dit Que chacun de vous par humilité considère les Amen. Autres Amen. Comme étant Amen. Au-dessus de lui-même. Amen. Bible est le bête. Mokona mokona binona commission misaye moko. Amonete ba mususu basalinde likolo na ye. Si vous le faites, Philippiens 2. Bah Philippiens moko pa mi balé. Le verset 4. Molongo ya minei. Oh, il y a de chercher l'intérêt privé et tout. Verset 3 et 4. N'ayez pas l'esprit des clans. Que par humilité, chacun de vous considère l'autre comme étant au-dessus de lui. Si cette sœur-là, vient d'être baptisée dimanche dernier, considère tous les autres comme étant au-dessus d'elle. Et en même temps, chaque frère et chaque soeur qu'elle a trouvé à l'église, appréciant sa repentance et sa venue au Seigneur, considère cette dernière soeur-là comme étant au-dessus de lui-même. Aurons-nous des problèmes de communion fraternelle? Mais voyez-vous pas que nous devrions nous rendre visite? Rendre visite même à celle qui vient de recevoir le baptême en dernière position. Au lieu de former des cartels. Personne ne s'occupe d'eux. Même pas l'idée d'aller visiter ou d'appeler son frère et sa soeur. Indifférent. Mais ce cœur indifférent, c'est ce qui sera vraiment élevé. Nous entrons en nous-mêmes. Il y a des choses que nous faisons. Et des choses que nous faisons pas cas. Mais qui nous détruisent. Et qui nous diminuent. Nous pensons être devenus grands alors que nous sommes encore au bas de l'échelle. Les petites choses là, la communion fraternelle. Pourquoi il doit y avoir des failles là-bas? Que Dieu nous aide. Zambé Asungabiso. Abesson. Tony Kitisa. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, agissons en conséquence. Parlons en conséquence. Et vivons en conséquence. Et soyons comme cela. Des fils et des filles de Dieu. Vais-tu bien? Si nous sommes fils de Dieu, agissons en conséquence. Parlons en conséquence. Vivons en conséquence. Selon ce que nous considérons être des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes égaux devant Dieu. Aimez-vous cette vérité? Vous voyez? Pour avoir un seul cœur, il faut que Dieu nous donne des expériences de la parole. Le même Dieu doit façonner. Comme on le disait hier, travailler chaque cœur ici. Chacun des croyants qui viennent, les façonner. Il les a amenés là-bas après la Pentecôte. Ils ont formulé une prière unique. Et après qu'ils aient réussi ça, alors la Bible conclut pour dire ce que nous avons lu au verset 32 du chapitre 4 des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur équinant. Et lui qui devait venir au temps de la fin doit ramener ce cœur-là à l'état où il était à l'époque de la Pentecôte. On doit les revivre. Et vous avez dit les soucis de notre frère Branham. Nous voulons voir tous d'un commun accord. Dans l'unité. D'un seul cœur. Vous aimez ça? Oh, il dit ceci. Voyons comment Dieu a commencé à le faire là au commencement. Dans les sermons, avoir soif de la vie. Je vais terminer par ça ce soir. Avoir soif de la vie. Prêcher le 4 mars 1960. Paragraphe 11 à 14. Regardez comment Dieu a posé le fondement pour cette unité de l'Église. Et quand le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute, il lui dit un bruit comme celui d'un vent impétueux. Eh bien, rien ne soufflait. Donc rien n'est soufflé. Et c'était juste pareil à un bruit comme cela. Un bruit comparable à celui d'un vent impétueux. Mais rien n'est soufflé. Makele lango ikokani kokani solo kola mupepe mwa makasi kasi kota yuko mupepe kali toute la maison où j'ai cassé. Tondi saki ndak mwa bimbo bango baba. Et enfin, ces langues séparées se posèrent sur eux, semblables à des langues de feu. Et moto oye yakwane kabonaki ni cheki likolo ya moko na moko na moko moto ngo ikok. Ndemo yango ikokana ki na. Comment cette grande colonne de feu? L'ange de Dieu. Le logos qui est sorti de Dieu, qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, quand elle est venue parmi les gens, elle s'est partagée. Et des grandes langues de feu ont commencé à se poser sur chacun d'eux. Quand la colonne de feu a commencé à se fractionner, Dieu s'est divisé lui-même parmi son peuple. Pour entrer dans des cœurs bien préparés. Des cœurs qui étaient rassemblés d'un commun accord. Personne n'irait ailleurs dans ses pensées. Chacun visant le même objectif. La promesse du Père. Tout le monde attendant l'accomplissement de la promesse du Père. En prière, dès comme un accord. Ils sont oubliés eux-mêmes. Ils ont abandonné leurs occupations. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont abandonné leur maison. Ils se sont dans un seul endroit. N'est-ce pas vrai? Les jours de la Pentecôte, que dit la Bible pour que Dieu l'amène? Acte verset 1. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Personne n'était dans son palais à lui. Mais dans le même lieu, avec le même objectif. La même conviction, la même espérance, la même foi. Écoutez. Et cela devrait arracher le cœur à n'importe qui. L'idée de savoir que Dieu s'est divisé en lui-même pour pouvoir donner une petite portion de lui-même à chacun de nous. Il est venu comme un tout. Mais il est entré en chacun comme une portion. Je répète, il est descendu comme un tout. Une seule boule de feu. Et puis, il a commencé à se fractionner. Chaque portion de cette plénitude, dans le cœur, dans le frère. Dans le cœur. Ce qui fait que quand vous mettez tous ces cœurs ensemble, en chacun d'eux, c'est un seul et même Dieu qui est là. Un seul et même Dieu qui tirera. Quelle situation. Ceci doit arracher votre cœur à vous. Pour qu'il reçoive aussi la portion que vous méritez de recevoir. La portion du même Dieu. Un seul corps. Un seul corps avec les autres rachetés. Cela devrait arracher le cœur à n'importe qui. Il faut y piquer la main. Tant que les camboyaux salent ma paix au moni et moni céline en haut. Paix au ligni et combique la yango. Il faut et pique la moté moya yo. Faut les agaïa ma baie, rancunier, malhonnête, menteur, mesquin, rusé. Maïela ma paix. Malin. Maïela ma baie. Et pique la main. Amen. Et pique la main. Pour que le cœur de Dieu s'installe. Faites la moté manan zombe, coquin à couvent d'acatina yo. Un cœur nouveau. Motema yasika. Voyez, Cela devrait arracher le cœur à n'importe qui. Dieu s'est divisé en lui-même pour pouvoir donner une petite portion de lui-même à chacun de nous. Afin que tous ensemble, voyez-vous ce que cela signifie? Voyez-vous maintenant pourquoi je suis pour l'unité de toutes les églises. On vous pose la question, vous arrivez à voir maintenant pourquoi Frère Branham soutient, il est pour l'unité de toutes les églises. Il ne parle pas juste son opinion personnelle. Oh, il raconte ses rêves. Non, il y a une base biblique. La multitude de ceux qui avaient cru. Mais comment a-t-on obtenu ce soutien? Une même âme. C'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même en chacun d'eux. Et c'est ce qui doit revenir. C'est ce que Dieu veut rétablir. Soyez prêts pour ça. Que Dieu vous redonne les mêmes expériences. Voyez-vous maintenant pourquoi je suis pour l'unité de toutes les églises. De toutes les églises du plein évangile. De tous les croyants. Pourquoi ils ont insisté? Parce qu'il y a une mission divine derrière. Celle de ramener le corps des enfants à leur père. Il n'y a pas que la notion de la foi qui doit être rétablie. Il y a l'unité qui doit être rétablie. Ne négligeons pas l'unité. Que Dieu est dans cette unité. Dieu veut cette unité. Il veut un seul corps. 1 Corinthiens 12, verset 13. Parenthèse encore avant de poursuivre et terminer cette citation. 1 Corinthiens 12, verset 13, vous le savez. Il y a un seul esprit, tout ça c'est vrai. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Zambi bisonyoso to batisami nanzoto moko kati na molimo moko. Soki bauda, soko baela, soko baombo, soko bansomi, bisonyoso to melisami na molimo yango. Verset 14. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres, mais c'est un seul corps. Zambi zote ezali lembo obele mokote kasi bilembo mingi zote ezala obele lembo mokote kasi salami ne na bilembo meke. Voyez frère, je poursuis avec la citation. Voyez-vous maintenant pourquoi je suis pour l'unité de toutes les églises. Si na nini nazali na bomoko. De toutes les églises du plein évangile. De tous les croyants. Nous devrions être d'un même cœur. D'un même esprit. C'est un commun accord. C'est l'idéal. C'est l'objectif de Dieu. Chaque croyant doit l'avoir à cœur. Chaque croyant doit viser ça. Chaque frère, chaque soeur, chaque église chrétienne a visé d'atteindre ça. Non pas dans l'au-delà, mais sur le ciel. On n'a pas besoin du sectarisme. Frère Branham dit que le sectarisme n'engendrera jamais une église née de nouveau. Nous sommes ceci. Humilions-nous devant la vérité. Et défendons ce qui est vrai. Malgré et contre tout. C'est la vérité. Mais ne soyez pas complexés. Au nom de l'unité. Et à cause d'un certain l'écuménisme. C'est comme un gaillard qui est allé dans une église qui est construite ici là. Le corps. Et puis il dit, l'unité des églises écuméniques. s'associe à nous pour dire, voici un tel. Il est le successeur de William Branham Marron. Et puis il dit, l'unité des églises évangéliques, successeur, yé oyo. Et puis il descend là-bas. Et puis on dit, l'unité des églises écuméniques. Dans une assemblée du message. Et il y a des gens qui applaudissent. Des démons. En train de détruire la foi des gens. Frère, ne soyez pas complexés à ce point-là. Si vous cherchez la gloire des hommes, hein, ayez quand même des limites. Si vraiment c'est Dieu qui t'a donné ce qu'il t'a donné, tu as vraiment besoin de l'approbation des hommes. Ce qui pensait que mon salaire au salaire ensemble n'est pas au salaire. Au salaire, ça va être un peu de temps pour moi. Mais après qu'elle lui donne, pas cassé pour le temps ici. Et l'autre en train de rigoler là-bas. C'est super comme mon yawana. Rien comme ça là. Elle a le cognon yawana. Elle tape les mains. Ma pète va beaucoup. Mon colo. Au moni kindoki en plein jour. Comment on peut ensorceler les gens les yeux ouverts? Ce précieux message dans l'écuménisme. C'est quoi ça? Frère, défendez ce qui est vrai. Dites la vérité à quiconque vous prêtera l'oreille. Vous racontez des histoires, vous dites, oh non, comme Dieu a dit l'unité, je vais croire quand même. Il n'y a pas de position à cause de l'unité. Il dit, nous devrions être d'un même cœur, d'un même esprit et d'un commun accord. Peu importe combien nous sommes en désaccord sur les Écritures. Cela peut être. L'un peut voir ceci de cette manière. Cela n'a rien à voir. Mais en principe, nous devrions nous tenir debout. Comme une grande et puissante armée de Dieu. Car chacun de vous, dans votre particularité, Dieu a prouvé qu'il ne tient pas compte de votre doctrine. Dieu est amour. Ta parole a la vie en elle-même. C'est la vie de Dieu qu'il fait pour nous. Des fois, vous vous cassez trop la tête avec la doctrine. Vous faites trop votre tête avec votre doctrine. Et il doit ramener l'unité de l'Église. Il dit en effet, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et bien, si je lui ai obéi à ma propre manière, et que vous lui obéissez à votre propre manière, et qu'il nous donne à nous tous le Saint-Esprit, par conséquent, nous devons être à ses frères et sœurs chrétiens pour nous tenir ensemble. La main dans la main et avancer vers un seul grand but, l'évangile. Oh, combien je pense à Dieu se divisant afin qu'il puisse pénétrer dans sa grande âme et déverser une petite cuillerée à moi. De sa grande âme. Déverser une cuillerée de sa grande âme à moi. En toi, en lui, en nous. La même âme. La même âme de Dieu. C'est ce qu'il a fait les jours de la Pentecôte. Pour que la multitude de croyants n'y tendent la fin. Les enfants des pères apostoliques. Ne soient plus qu'un seul cœur. Et il a tendu la main et a déversé une cuillerée en vous. Et en vous, se divisant lui-même, le feu, la puissance purificatrice de Dieu. Alors, si vous avez une cuillerée, et moi une cuillerée, et que tous deux nous nous rassemblions, nous avons deux cuillerées. De l'âme de Dieu, non? Âme naïe. Lutumokowa, âme naïe. Lutumokokuna, donc, bisomi balé tango to yangani, to koumi balé, yamouela yensambi. Amen. Donc, mais yé nangai to za âme moko. Amen. Nous sommes des âmes sœurs, comme on dirait. Mais, to za âme moko. Une même âme. Oh, miséricorde. Il dit. Et si 50 d'entre nous sont ensemble, nous avons 50 cuillerées de l'âme de Dieu. Il est parlé de... Nous avons été abreuvés d'un seul esprit, non? Amen. Bon, quoi, tu as mouton kala? Non. Mouton famille, naïe? Non. Mouton bon coco? Jamais. Et comme ils ont bien les katina sèmes. Amen. Zambé katina moto. Amen. Zambé katina zoto. Amen. Oh, il dit. Allô, bien. Là où il y a l'unité. Et si kabo moko, ils là où il y a un rassemblement. Soit qui va te passer en gani. Là, il y a la sécurité et tout. Et si kabo combat, t'es le manan, y'on se zali. Église comprense. Et que les yeux sont la sécurité est dans cette unité. Et en tant qu'église de Dieu, la sécurité est dans l'unité de l'âme. Et quand vous n'avez pas ça, voilà pourquoi nous sommes tellement exposés. Il y a pas mal de problèmes qui semblent nous rendre plus faibles. Nous devenons des fois anémiques. Parce qu'il n'y a pas assez de portions de cette âme-là au-dedans de nous. Il n'y a que des vieilles âmes qui sont très chaudes. À la nature de cette famille, avec la nature de l'autre famille là-bas, oh miséricorde. Quand vous mettez les deux ensemble, mais c'est l'explosion. C'est des choses bizarres, hein. Mais quand vous avez les deux natures qui sont converties, ils sont changés. Ah, même là où les coutumes ont mis des barrières. Un Moulouba épousera une femme Mungala, il y aura la paix dans la maison. Et Moulouba combat la Mungala, qui n'est que dans la Nandako. Mais ce qui était, Moulouba, vantard. Moulouba, comme une monde. Arrogant. Kovimba Maloba. Mungala, barbare. Mungala, yaoui. Munyanga, barbare. Moutangisi Makila, Nabopete. Tiens, bon, ensemble. Oh, y'a qu'on tient Mounoko, nous sommes mis félicites. Donc quand il y a dans mon conseil, on y a qu'on va m'inquiéter, c'est l'issiette caca, pas pour le litoy. Les mouniens ont fait ça, les mouniens ont fait ça. Les mouniens vont pas dire, je vais vous prouver, je vais... il va parler trop, terminer tous les mots. Ah oui, c'est ça, Maloba. Miséricorde. Maloba. Mais prenez les natures changées. Vous n'aurez aucune impression d'un tel couple qui serait coutumièrement mixé. Et yo kobanzela baba Dieu dans des hommes. Jambe kati na bato. Brisant les inimitiés. Obukata penza bokesenga. Cassant les murs. Obukata bitibu. Construisant l'unité. Et ce kosonga ka bomoko. Que cela revienne encore parmi nous. Et yango songo sus kati na biso. Amen. Ainsi que yo ton balobi frère, oui on ingo bala. Ba critère na yo. Pasteur David ekono ko biso autour na ekolo. O so ki clan. Donc on déclasse de ces camarades. Amen. Oh, moti ya ekolo. Ekolo, c'est quoi ça? Oh, les amis. Oh, la ligne où? Eh! Pas question. Bon côté. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour nous. Amen. Makila na Jésus Christ, pas makila de pona biso. Dieu qu'on a dit dans ma picole, on a des histoires. Oh, bah qu'on a mis sur le bas qui gagne, oh bah qui gagne. Toi tu le croyais on sait quoi? Oui, vous allez monter mes belengani. Tu es venu faire voir l'église? Oui, vous allez venir à l'église. Par exemple, on le déclare et les tribus. Vous devez naître de nouveau. Oh. Il faut pas nous embrouiller. Ce que vous avez à Kimia, c'est que la biso Kimia. Amen. Yesu appelle sa biso Kimia. Amen. Kimia n'a qu'à te l'obanaïe. Amen. Vous savez que le biso Kimia. Oh, il faut quand même regarder. Il s'est fait des prédicateurs qui viennent dire, oh, pasteur, il faut quand même que tu aies la voix à l'air de mon goût. Nous devons commencer à diluer la parole de Dieu. Pourquoi c'est mélim ou mabé? Hein? Que les gens commencent à se regarder en fonction des tribus. Et comment télévisionni? Et le côté. Christ est venu pour les tribus. Tu connais le bongo. Tolingi bongo terre. Oh! Tolingi bongo! Alléluia! Zambé moko alinga mi kotse na kata mi sema bato. Amen. Donc c'est ça. Yango wana. Là où il y a l'unité. Il y a l'assemblement, il y a la sécurité. Ko batela ma ezalinde wana. Quand tu n'as pas cette unité, sens-toi en insécurité. Cherche à ce que plus difficile de casser les bâtons qui sont dans la main du prophète. Il est deux fois plus difficile de casser deux bâtons que d'en casser un. Et quand nous pourrons atteindre ce niveau frère, si je peux voir cela arriver, j'irai là au sommet de la montagne du Carmel. Du Carmel, Bac. Je lèverai mes mains et je dirai, oui, viens Seigneur Jésus. Prends-moi maintenant, tout est fini. Donc comme Siméon d'autrefois. Il faut voir ces niveaux. L'unité dans l'église. Un seul cœur. D'un commun accord. En un seul endroit. Le Branham dit, je vais monter là-bas. Bien Seigneur Jésus. Bien maintenant, tout est fini. La mission de Malachi 4:6 est accomplie. Êtes-vous spirituel pour comprendre la portée de ceci? Ne voyez-vous pas qu'en lui cette mission est implantée? Et qu'il a travaillé au courant de son ministère pour atteindre ça. Si Dieu l'a retiré lui l'homme, le message de rétablissement continue à courir. Et nous devons atteindre ce niveau-là. Obligatoire. Et puis, nous sommes qui? Sinon, Malachi 4 est un échec. Mais si on ne veut pas échouer, moi je suis convaincu. Mais il faut que toi aussi tu sois convaincu. Et que nous soyons de commun accord. Que le message réussisse. Quand nous pouvons atteindre ce niveau. Frère, si je peux voir cela arriver. Je vais là au sommet de la montagne. Et je lèverai mes mains. Toutes ces différentes personnes libres de l'évangile. Tango, personne ne peut. Et se tenant ensemble comme une grande armée. Cela ramènera Jésus-Christ sur la terre. Voir tous ces gens de plein évangile. Comment on d'un seul cœur. Cette chose-là est aussi sûre et certaine. Elle va ramener Jésus-Christ sur la terre. C'est-à-dire, Malachi 4, verset 6, totalement accomplie. Mission réussie. L'unité de l'église rétablie. Le niveau spirituel élevé. Des croyants comme ils étaient à la Pentecôte. Personne ne disait que ce bien lui appartenait. Pouvant prier d'une seule voix. Malachi 4 accompli. Mission réussie. Mes chers amis. Sommes-nous prêts ou loin d'une telle réalité? En tant qu'église de Dieu, ne plus qu'en portion. Et si nous voyons que nous sommes encore loin, il est temps de nous efforcer. Parce que nous avons lu dans Ephésiens 4, le verset 3, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. par le lien de la paix. Chacun doit entrer dans ses efforts. Parce que cette unité était déjà mise à mal quelques années après la Pentecôte, mais Dieu a instauré Ephésiens 4. Zokande bomoko yango ebandakinde ko babisa mana simana nkitela na molimo okasi nzambe na mawana ye ayiko chende ba esesa mkapo yaminei. L'église du Seigneur est née en l'an 33. Ekeleja nankolo ebotama kina mubu ya tukumi sato na misatu. Après Jésus-Christ. Na simana nkolo na biso Jésus-Christ. L'église de Fès a commencé en l'an 53. Ete ekeleja na yeshe sebandaki na mubu ya tukumi sato na misatu. Après Jésus-Christ. Na simana nkolo na biso Jésus-Christ. Ça vous fait une période de 20 ans. Esala ki mibu tukumi bale. Le début de l'église. L'église d'Éphèse a commencé quand Paul a débuté cette assemblée d'Éphèse, l'âge d'Éphèse. Mais pendant ces 20 ans, il y avait encore aucun âge de l'église débuté. C'était le temps de l'épouse de Christ. Ici, il y avait la Pentecôte. En 1900, en l'an 33, pas 1900, Pentecôte. En l'an 33. Ça produit une église unie. Qui a fonctionné pendant les 20 ans là, sans être un âge de l'église. Et c'est pendant ce temps que nos pères de la Pentecôte ont semé la doctrine. Amen. La apôtre Paul a été appelé après. Quelques années avant 53. Et c'est en 53 qu'il a commencé l'église d'Éphèse. Et c'était là le début de cet âge de l'église. De cet âge de l'église. Et nous connaissons là Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, ainsi de suite. Ça a commencé en 53. Tout ce temps ici préliminaire. C'est là où la multitude de ceux qui avaient cru. Les cinq cœurs. Et qui n'aiment. Mais plus on avançait. Paul commence à mentionner. Les divisions. Pierre lui-même dans Actes 6 mentionnait une division. À cause des passages. Et on a instauré les diacres à cause de ça. Donc les germes, l'insecte commence à ronger déjà. Zokande Paul petele moko alobela kipe na misala mukapwa motoba mukaboni ndentino oyo baye kotia ba sundi po ba diatra ete baye fese mukapwa mine quand on a l'écriture de 54 ça a été écrit après 53 ete baye fese hein le ministère de 54 11 et 12 c'est venu après 53 ce n'était pas en 33 ici il y avait des apôtres à Jérusalem il y a eu des prophètes oui mais l'établissement, la description de l'ordre des Éphésiens est venu après l'an 53. Zokande, Nisala Oyo Balobeni, Pona Baïsses. Ils doivent nous conduire jusqu'à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le rétablissement des verbes. Après que l'ennemi ait commencé à détruire, Dieu établit un ordre et donne une espérance aux croyants. Ne désespérez pas. Les Éphésiens travailleront. Et vous parviendrez tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Mais pour que cette unité soit possible au temps de la fin, il faut que l'office du rétablissement de toutes choses, Élie le prophète, accomplisse d'abord sa mission. Et ça va être Moussala, il y a Moussakoli. Oui, à cause de ce que nous connaissons, à cause de ce que devait ramener le cœur des enfants à leur père apostolique. Ça va être un homme qui sont des motema, il y a banna et paille, il y a batata, il y a bango, il y a bantoma. Amen. Et ça va. Alors, ce soir, vous avez vu? Vous prenez que l'unité de l'église provenait d'un seul esprit, l'esprit de Dieu. Bon, moko, na ekeleja, et utakine, na moulimo moko, moulimo ya zambé. Et aussi ramener le cœur des enfants à leur père, c'est ramener l'unité de l'église. Ça, retenez mes chers amis. Comprenez que c'est ça. Et ne soyez pas inconscients pour vivre dans le milieu du message comme si Dieu n'avait pas d'objectif. Que nous sommes une église comme les autres. Dieu nous a appelés pour un but. Et nous devons jouer chacun son rôle à la bonne place pour l'accomplissement du but de Dieu. Que l'évangile soit un succès. Laisse que Dieu bénisse chacun de vous. Et nous levons pour la prière. Donc le cantique croit seulement numéro 129, baptisé dans le corps. As-tu été baptisé dans le corps, oui. Baptisé du Saint-Esprit, il n'y a qu'une église pour dans le corps. Amen, nous sommes baptisés. Parle de la grâce de Saint-Esprit. Bye. prions chacun. Regardons l'état de nos âmes. Notre condition spirituelle. Notre tête est enfermée dans le péché. Que tes œuvres ne te permettent plus de rentrer à Dieu. Une seule voix s'ouvre, la repentance. Savoir s'humilier, c'est facile. Déchirer ce cœur-là. Appelez Jésus sur la terre. Le grand secours qui ne manque jamais. Et qu'il vienne à votre aide. Ne t'emprisonne pas indéfiniment toi-même. Pour te faire prisonnier des œuvres et des actes contraires à la parole. Des habitudes malsaines, impures, fuyées. Viens à Jésus. Donne-lui ton cœur et ton âme. Il va les façonner pour y mettre une cuillère. On a combattu sa âme. Et ta nature sera définitivement changée. Pour devenir comme lui. Revêtir l'homme nouveau. Prions chacun. Mon cœur est aussi blanc que la neige, le lys de champ aussi pur, aussi pur que le ruisseau, aussi léger que les oiseaux. Seigneur Jésus, notre unique sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est ton nom Jésus qui sauve. Qui délivre et pardonne. Qui restaure les choses perdues. Et toi, le réparateur de brèches. Le restaurateur de chemin. Qui rend le pays habitable. Rend ton église fréquentable. Que ton église soit fréquentable par le Saint-Esprit. Seigneur, agis, façonne-nous. Aïe nos cœurs, enlève ce mauvais cœur. Donne-nous le cœur approprié. Comme il est écrit dans la prière de David. Crée en nous un cœur pur. Ce cœur blanc que nous venons de chanter. Plus blanc que la neige. Plus pur que le lys de champ. Créons chacun de nous ce cœur pur. Établi au-dedans de nous de cœur honnête. De cœur bon. Quel que soit le nom. Et forme en nous ce qu'on a fait. Et devant c'est son esprit d'en haut. Dans un cœur bien préparé. Et rassemble tous ces cœurs. Faisant un seul cœur. Nous t'appelons au secours. Et nous-mêmes nous essayons. Mais tu nous as montré par ton prophète. Il faudra la main de Dieu. Nous pensons le faire. Nous croyons le faire. Frère. Nous déclarons pouvoir le faire. Et ta main. Il n'y a que toi, Seigneur. Oui, tu peux faire ce que nos espérances essayeront à mi-chemin. Exauce chaque prière. Aide chaque frère, chaque soeur. Amenez une vie digne de l'évangile. À vivre en conséquence. C'est l'identité des fils et filles de Dieu que nous portons. Que notre langage soit celui des fils et filles de Dieu. Que nos actes soient ceux des fils et filles de Dieu. Détachez-nous des rancunes, des conflits, des liens de coutume. Bénis les âmes au nom de Jésus-Christ. Amène-les dans ta présence. Que nous soyons déchirés. Vivement touchés. Par la vie qui est dans la parole. Pour que nous soyons changés. Que partout notre témoignage reflète Jésus-Christ. Et pour ta gloire. Nous te faisons confiance. Que tout ce que nous te demandons. Avec foi. Tu nous l'accordes. Donne gloire à ton nom. Manifeste tes enfants. Manifeste l'église épouse. Et la vie de Dieu en elle. Et toutes nos portions. De Dieu soit mise en place. Pour former une grosse boule de feu. Et que Dieu soit redoutable parmi les serres rassemblées. Que cette grande colonne de feu se reconstitue spirituellement, formant l'unité et la sécurité de l'église. Fais comprendre ceci à chacun. De ne pas balancer les bras dans l'église. De ne pas promener des regards inquiets. De se mettre à la ligne de la parole. Pour que notre vie reflète ce que la parole a dit que nous devions être maintenant. Merci pour le prophète que tu as envoyé. Merci pour la mission de Malachi 4. Oh Dieu, quand nous évaluons des fois que nous voyons, que d'une manière ou d'une autre nous en sommes encore loin, nous t'appelons sur la terre. Nous invoquons Jésus. Tiens nos secours. Pour booster les choses, boostez-les. Agis dans l'église. Confirme tes promesses. Garde chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu soit loué.